amor, mio mayo. We're gonna go down the river, down the bayou. Oh, my hero, this is one, mio mayo. Oh, jump on the way, get down, get down. We are big fun on the bayou. Oh, jump on the way, push me back with the gun. Où sont donc mes amis qui sont là-bas? Et si la jolie Sylvie s'ennuie de moi, je n'ai pas oublié ce bouton là ou jamais. Et je garde le souvenir auprès de moi. Voici le cheval, Élie. Faites foraine ce soir, deux boules pour les pièces. Oh copain d'eau, contenons les suspensions. Quelle boule, quelle boule, quelle boule. Il faut comme tout si bon, pas de désir. Oh le sister, oh ami, oh my oh. Oh son of God, we are big fun on the bayou. Oh j'aime le coach, be by, puis le gumbo. Je crois qu'une grosse patate, ouais, des tubes mayonnaise, puis ben de la sauce, ben de la sauce. Fais-moi couler ça, cette belle sauce là. Oh mon dieu, c'est beau. Que c'est de la sauce, brune, chaud, c'est réconfortant. Son of a gun, we are big fun on the bayou. justement. Monsieur fait mal. Cogner le coup de calcarrière. Aïe, ils n'ont pas de carrière là-dessus, moi, là. Je pensais que mon coude était prêt à frapper n'importe qui, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de frapper n'importe quoi. Je suis heureux de vous rencontrer. Non, je vous ai rencontré simplement. Et depuis ce temps-là, vous arrêtez pas de rire de moi. Mon chemin est long, l'émission aussi. Je suis content de vous voir. Je nous souhaite que ça se communique à travers les ondes. C'est les ondes, ça, ou une mouche tsétsé. Non, ça, c'est tsétsé, veut dire. Ouais, québécois, c'était qui se promène avec la calotte à l'envers. Là. Ouais. On en connaît des calottes à l'envers. Ouais, hey, écoute, on va te placer du 4x4 plaqué, là, comme tu l'as été par ta femme. Plaqué. Sorti dehors. De son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Oh, fais-toi-en pas. On va t'en placer du 4x4, plaqué. Ouais, comme tu l'as été par ta femme. Plaqué. Sorti dehors. De son corps. De sa vie. De son entourage. Jeté, craché par terre. Ouais. Ouais, arrête de pleurer. Puis on va t'en placer du 4x4, plaqué. Comme tu l'as été par ta femme. Plaqué. Sorti dehors de son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Jojo. On va t'en placer du plaqué. Hey, on va te plaquer dehors, toi. Là, on va te mettre à l'extérieur. Oh, oui, on va t'en placer du 4x4 plaqué. Comme tu l'as été par ta ouin. Oh, oui, mais oui. Là, ça va se savoir à la radio. Personne n'est au courant de ça. Là, tout le Québec le sait. Là. Ben, tout le Québec. Premièrement, c'est les membres de CKRL. Deuxièmement, c'est les membres des Rances Rénadiennes. De trois, c'est ceux qui sont capables de décoder le décodage. Mais quand tu t'es... Attends un peu, là. Quand tu peux décoder, nécessairement, c'est le décodage que tu décodes. Oh. Hey, lui, là, attention. Il a l'air d'un imbécile. Il a la coupe de cheveux d'un imbécile. Il y a les lunettes d'un imbécile, il y a l'œil d'un imbécile, mais c'est pas un imbécile. Tous ceux-là, il faut faire attention. Ils font partie de l'organisation du FBI. Ils prennent toutes nos informations. Ils prennent des notes. Ils ont des petits cahiers électroniques. Ils sont directement à New York, aux États-Unis, à l'ambassade américaine aux États-Unis, au Pentagone. Hein? Esprit Saint. Au Pentagone, Esprit Saint. Même en haut, ils sont au courant, là, hein? C'est à quoi ça sert? Non, mais les gens se demandent. Oh, c'est pour la coquetterie. Les cheveux, c'est pour la coquetterie. Ben oui. Dans ton cheveu, là, il y a une racine. La racine est branché directement dans l'ordinateur central. Non, c'est pas ta tête, l'ordinateur central. Là, c'est l'endroit où on manipule l'information, les connaissances, puis on les envoie à chacun, mais différemment. C'est pour ça qu'il y a le saut de... Pas le saut d'eau, là, mais... il y a le saut du village. Lui, on en met moins pour pas que tout le monde soit au courant qu'il y a une conspiration. Hey, imagine-toi, tout le monde serait au même niveau, là. Donc, niveau A1, oui, c'est plutôt B2 ou betterave quand ça va pas très mal. Mais Marinée, elle est une bonne chanteuse, hein, Marinée? Très bonne chanteuse, Marinée. L'autre, c'est un peu moins bon. C'est qui ça, Marie? Marie-Juin, c'est de la main. Puis avant ça aussi, c'est pire. Donc, l'information est décodée. Moi, je vous dis, là, les gens qui sont chauds ont tout compris. Après, on n'a plus rien, là. Puis il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. Alors, ils peuvent faire n'importe quoi. Les femmes, là, coupez-vous les cheveux. Demain, là, directement. Prenez rendez-vous chez la coiffeuse. Laissez un message ce soir, là. Il est 00:15, là. Appelez votre coiffeuse préférée. Elle doit avoir un répondeur, elle, là. Elle a les moyens financiers d'avoir un répondeur. Au prix, ça te coûte, là, pour te faire couper les cheveux, ma belle Sandra, là, hein. Ton beau gros cheveu gras, là. Hein? Comment t'as coûté? 45 piastres. Pourquoi? Pour Oh, les mèches! Juste couper les mèches, mon Dieu Seigneur! Je pense qu'ils ont coupé quelques... Hein? Quelques liens de la matière grise. Ouais. OK, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, Madame les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance canadienne. OK. Non, on laisse ça comme ça. Moi, je... Bon, ben écoute, prends tes choses, là. Puis on va revenir au début. Non, prends tes choses, on va en prendre du 4x4, nous autres. Hein? Vas-y, mon petit neveu numéro 3, là, puis on va t'en taper du 4x4. On va t'en taper, plaqué, comme je vais l'être ce soir, là, plaqué par elle, là. Sorti dehors de son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Ah ouais? Ah ouais, juste pour des cheveux. Là, c'est même pas sur mon orientation politique. Moi. L'avenir de mon pays. Moi. Parce que ça coûte, j'ai réagi d'une manière rigolote à sa coupe de cheveux. Hey. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est aussi insignifiant que ça. Hein? Ah ouais? Ben voyons, elle ne mérite même pas. Elle ne me mérite pas. Rita, hein, c'est vrai qu'elle me regarde-moi. Ouais, je sais que quand je suis fâché, je louche. Ouais, mais regarde-moi le front, là. Ben, le troisième œil, ici, là, il est ici. Hein? Il clignote, hein? Non, mais c'est ça que ça veut dire. Je suis contrarié. Quand ça clignote, je suis contrarié, moi. Puis c'est pas beau. Faut pas continuer. Faut pas me dire, ah ouais, t'es certain, parce que là, je deviens bleu. L'œil rougit ici, là. Devient comme bleu. Ce bleutâtre-là. Ne peut plus se contrôler, il sort de son orbite, il va attaquer, puis il y a un venin à l'intérieur, comme dans les serpents sonnettes, là, les fleuves, là, les serpents de fleuve, qui envoient des objets, tu peux mourir. Puis moi, comme le serpent de fleuve, je ne sais pas à quel dosage je peux projeter. Moi. Puis selon certaines, je projette pas mal. Alors, j'ai jamais. Non, monsieur le juge, j'ai jamais tué personne. À part quelques fourmis, j'étais couché par terre. Ouais, non, je cherchais pas mes verres de contact, je vais vous dire la vérité. Je sortais d'une belle soirée qui s'était étirée, prolongée. Comme j'écoute pas de hockey, j'étais peut-être rendu à 15 période. Il n'y avait plus de but, il n'y avait plus rien, le monde était parti. J'étais là. J'ai combien? C'est dehors. Ça va être écrit dehors. Ben oui, vas-y. Là, je longeais par terre le sol. Et tout à coup, ben c'est ça, là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Faut que je change ma vie. Faut que je me relève. Un peu comme au début de l'espèce, là. Au début, tu étais courbé, après ça, pring, tranquillement, tu t'es remonté, pring, t'as connu le ressort. Tu te dis, je m'en vais travailler, je m'en vais chasser. Là, ta femme t'attendait, là, elle préparait l'eau bouillée depuis déjà 3 semaines. Là, je l'attendais, mon cœur était plus glacé que l'hiver, jour après jour. Ah. Là, elle te voyait au loin arriver, là, bredouille. Elle dit, hey, l'eau chaude qui bouge depuis 3 semaines. Je viens mettre dedans. Là, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'ai des petits colibris. C'est pas ça qui va nourrir notre famille. Oh non, mais écoute, son gros dur. J'ai pas pris n'importe comment, là. Je pesais sa bédaine, ça faisait boing, boing, boing, boing. Ça veut dire que le gras est tout à fait abondant. On va mettre ça là-dedans. On peut faire des petits crotons. On peut même utiliser ça pour la poêle, histoire de faire cuire le steak. Steak qui n'existe pas encore, là, mais je vais aller chasser le steak. Au pire, je m'enlèverai un manque, puis on va cuire ça. Hein? Je m'auto-cannibaliserai. Hein? Bon, cannibale? Je m'auto-cannibaliserai. Non, arrête-toi. Arrête-toi là, parce que si tu t'enlèves un manque, toi qu'il n'y en a pas beaucoup, puis on tout croche, je suis pas sûr que ce soit mangeable. Quoi que t'es propre, là, tu te laves 2 fois par jour. Ça aussi, c'est un état mental étrange, là. Faudra aller consulter. Pourquoi tu te laves 2 fois par jour? Il me purifie. Il se purifie. Ah, mon Dieu, tu te purifies quoi? L'âme. Ben oui, c'est le corps que tu te laves. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme. C'est pas une chanson, ça, le corps et l'âme? Le corps et l'âme, le corps et l'âme, n'a pas de main, n'a pas de main. Il roubignonne, il roubignonne, le corps et l'âme, c'est vrai, c'est vrai. Oh, is he waiting to see who will là, c'est quoi le pop-pop-pop? Ben, normalement, là, le budget voudrait que la trompette se présente là-dessus. Là. Pop-pop-pop! Mais comme on n'a pas de pop-pop-pop, on fait pop-pop-pop. Pop-pop-pop-pop. Pas très beau, pas plus beau, mais composition vient d'être faite là sur le champ. Le champ de ma connaissance musicale et sonore, donc vous avez pu apprécier. Peuple, reprenez siège sur votre siège, reprenez votre paix, bon, assis pèteux dessus. Bon, tranquille. Il y a des petites odeurs, puis pas très bon. Là, j'ai enlevé mes bas en même temps. Là. Oh, là, là, là, là, là, là, là, là, il y a un complot. Odorama. La guerre bactérienne, non, c'est pas bactériologique, nous, c'est Odorama. Ah, c'est pas cher chez Odorama, mais ça va pas plus, ça va pas plus. Tu rentres là, tu t'es crampé encore à quatre pattes. Ça me rappelait mon temps passé, là, passé à chercher mes verres, mais pas de contact. Mes verres. Non, pas de terre. De terre, moi, ça, j'aime bien ça me rouler, là, mais parce que je recrée la vie du cochon. Ouais, ben en fait c'est ça m'a été cette pratique m'a été proposée par mon ami Jean-Claude Dreyfus. Monsieur Dreyfus m'a dit petit. Et là, j'ai dit, hey, Monsieur Dreyfus qui dit petit. Je vais te raconter les choses de la vie. Le cochon doit être béni. Rassemblez tous ces petits cochons. Ils sont bénis. Béni, OK. Et ensuite de ça, il faut honorer le cochon. Ben voyons donc, toi, ma femme m'a lâché à cause de ça. Non, non, non, non. Et lorsque tu mangeras ton cochon... Faut pas être trop gourmand, OK? Faut pas le faire cuire trop longtemps parce qu'il n'aime pas la chaleur. Oh, c'est moi, Seigneur, c'est merveilleux, madame. On peut-tu prendre la bavette? La bavette, la bavette, la bavette. Oh, mon, la belle bavette. Bienvenue à la douce finalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Reynald Leniant-Gagné. À quoi bon? Je croyais faire éternuer. Hein? Non, c'est parce que je voulais reprendre mon souffle et je voyais plus clair. Ça m'arrive de ne plus voir clair. Comme là, là. Je vois plus clair. Je vois plus rien. C'est clair que je vois plus rien. Hein? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Lenéant. Gagné. On en est rendu à l'autre page. Ça va vite, la vie, hein? Et on se réveille, puis c'est déjà le temps de se recoucher. Oh! Surtout dans ton cas, je vais te dire une chose. Non, deux choses. Je vais te dire deux choses, peut-être trois. Ça va bien, là, ça sera toute une phrase avec 25 mots. OK, allez-y, 25 mots. Je suis dans l'impossibilité. Non, ça, c'est syllabe. Je suis, ça, c'est deux. Dans l'impossibilité de te dire en trois mots. Ce que je peux te dire en 10 mots. Là, 10 mots, ça fait 8 mois. 8 mois, 10 mots. 10 mots, 12 mois. Hey, comment compter les mots en les disant? Les écrire, c'est plus facile. Là, oralement, c'est pas très bon. Là. Puis surtout, ça fait des pirouettes. Les gens sont là pour juger. C'est facile de juger. Essayer de comprendre, c'est plus complexe, hein? Tu vois passer des gens dans la rue, là, tu dis, hey, as-tu ça? Oui, on juge, là, de dire, ah, oh, oui, OK. Ah, oh, il y a eu, ah, oh, il a été malade. Oh, il s'en est quand même bien remis, hein? Je sais pas pourquoi je le traitais de même avant. Je savais pas sa vie, je le connaissais pas. Ben, c'est juge pas si tu connais pas. OK, non, je jugeais pas. En fait, je donnais une appréciation. Moi, j'étais un ancien juge des Jeux Olympiques, d'un sur 10. Comme là, ta chevelure, toi, on revient dans les cheveux, là. On aime ça venir dans les cheveux. D'un à 10, là, moi, je te mettrais un 5. Bon, parce que ça, c'est pas à cause d'une maladie, ces cheveux-là, quoique ça aurait pu être capillaire, là. Capillaire. Puis la capillaire. Les cheveux capillaires. Capri, c'est fini, ça n'a rien à voir, ça. Non, non, non, non, non. Ben, c'est une chanson, là, du chanteur. chanteur. Moi, j'aime ça, les chanteurs, chanteurs. Moi, les chanteurs qui chantent pas de chanteurs, là. Hervé Villard. Capri, c'est fini. OK, c'est fini. C'est fini. OK, on arrête ça là. Si vous avez vu le film où Jeanne Moreau personnifie Marguerite Duras, dans cet amour-là, il y a cette chanson. Je n'oublie jamais le jour où on s'est connu. Pom, pom, pom, pom. Je n'oublie jamais. Pom, pom, pom. Hey, on pourrait faire avoir un pom-pom-pom, s'il vous plaît? Un, deux, trois. Je n'oublie jamais le jour où c'est connu. Je ne l'oublie jamais le jour où je t'ai vu sous le soleil couché. Il y avait un nuage. C'était toi qui me disais, retournons à notre naufrage. Capri, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, c'était beau, hein, quand c'est fini. C'est pas très cher, l'album sera vendu demain. 50 cents, 25 cents, 10 cents. On va le donner, on va le donner avec une petite feuille là, qui vous expliquera pourquoi on a coupé ce cours. Et on s'excuse impriment auprès de Didier Auvard. Non, c'est quoi? C'est le chanteur, là? C'est Capri, c'est fini? On n'oubliera jamais le jour où je t'ai vu. Je n'oublierai jamais le jour où je ne t'ai plus vu. Faut dire que j'avais enlevé mes lunettes. Je m'étais dévissé la tête. J'étais plus moi. Et toi, tu étais toi. Capri. C'est, non, le silence, tout le monde était prêt. Il va s'envoler. Ben, c'est beau, hein? Ça, c'est le moment d'émotion. Tu ne sais pas pourquoi que ce refrain revient toujours. Je ne sais pas pourquoi qu'après la nuit, c'est le jour. Tu ne vois pas c'est qui sonne à la porte. Tu vois là, c'est lui, c'est pas moi. Cap! Ah! Oui, je suis bon pour les succès! Là, vous vouliez la monter, là? On va la monter. On la monte-tu, Rita? Les gens changeraient de poste? Ben non. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette eau ne coule plus. Je ne sais pas pourquoi tes larmes ne sont plus. Je ne sais pas pourquoi. Ben si tu sais pas, arrête-toi. Arrête-toi, là. Moi, des gens qui se questionnent dans la vie puis en chanson, là. Aujourd'hui, le vendredi 22 novembre 2013, l'errance, les réserves, Aujourd'hui, le vendredi 22 novembre 2013, les errances grenadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité. Hein? C'est réalité, oui, ça... J'ai mal écrit. C'est pas... Non, j'ai pas mal dit, j'ai mal écrit. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Zaza Fournier. Zaza Fournier est une chanteuse de pop française née le 9 novembre 1994. Donc, c'était sa fête il y a quelques jours. Elle s'appelle Camille. Zaza est un pseudonyme né à Paris, pas son pseudonyme, mais Zaza. Ou Camille Fournier. Née à Paris, grandie dans l'Oise, étudiante en théâtre, Zaza Fournier, auteur, compositeur, interprète, a étudié le violon avant de s'essayer à l'accordéon à l'âge de 19 ans. On l'attendait... Alors, on l'attend, là. Elle s'en vient. Ah, elle est là. Bonjour, Zaza. On l'attendait en chanteuse goyeuse et joyeuse, comme Charles Trenet. Non, c'est goyeuse. OK, goyeuse, oiseau de trottoir parisien de l'après-guerre. Mais voilà que dans ses pérégrinations, et je l'ai préféré, celle-là, hein? Pérégrinations, c'est facile à dire. Combien sont ces six ou six sont six? Ces six ou six sont six ou six sous? Pérégrination. Zaza s'est fait accompagner par l'intégrale des chansons de Roy Orbison, l'auteur de Blue Bayou. Blue Bayou, guitare et interprète majeur des années 60. Zaza a aussi écouté Christophe, époque d'Aline. Et j'ai crié. Crié et... Aline. Aline, viens ici, Aline. Aline. Viens, il y a quelque chose à te dire. Premièrement, Aline, ne t'en va plus. Reste avec moi. Je t'aime, je t'embrasse, je te marie, ainsi soit-il. Ensuite de ça, Christophe époque Aline et les Paradis perdus avec leur prose de teenager culotté et leur dose de vague à l'âme parce que c'est 15 ans où ce que l'on reste est beau et rare. Comment est-ce que tu dis? Oh non, elle a dit, Zaza, que c'est 15 ans où ce que l'on ressent est beau et rare. C'est vrai qu'à 15 ans, ça bouillonne à l'intérieur de nous. Et puis donc, en juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste, un voyage chargé pour cette nuit presque hivernale. Mais là, c'est automnal. Actuellement, là, c'est l'automne. Il y a une autre feuille qui est tombée. Il y en a de moins en moins. Hein. Normalement, il y a la neige qui m'a tué. Il y a quoi? La neige. Lâche-moi la neige. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Il nous a envoûtés. Hein? Tantôt, là, j'ai pleuré depuis 3 semaines là, avant le générique parce que je savais que c'était chargé d'émotions. Juteux à souhait. Et qu'à un moment donné, tout ne peut pas se retenir en un seul homme. Donc, on doit... se plier à nos émotions. Alors, place à l'émotion, comme je disais, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la zizique. Tu me dis, je t'aime, je te dis, toi-même, je ne suis pas de celle-là. Mots tendres qui se laissent prendre peur en mal de surcroît. Tu me dis je t'aime, je te dis la ferme, on ne mourra pas comme ça. Au grand sentiment, je préfère un amant, un de ceux qui ne parlent pas. J'aime pas les caresses et les mots qui blessent, je les donne à qui mieux mieux. Je suis pas une tendre, je préfère les esclandres aux chichis des amoureux. Tu me dis j'ai mal, je te dis normal, la vie c'est pas que du bonheur. On fait comme tu veux, les yeux dans les yeux, mais tu n'auras pas mon cœur. Je suis pas méchante, juste un peu méfiante. Les poilus, je connais ça. Toi et ton sourire, je vous vois venir. Je ne mange pas de ce pain-là. J'aime les poèmes, les lettres qui traînent, je suis pas une littéraire. Les glaçats de boules, les mélos qui coulent, tout cet amour m'exaspère. Je suis pas mon rose, je vois la vie en rose, je suis pas du tout déprimée. Je veux pas qu'on me chuchote des mots bleus en toc à l'oreille toute la journée. Toute la journée, je veux qu'on me chuchote des mots bleus en toc où je sens que je vais craquer. Je veux qu'on me chuchote des mots bleus en toc où je sens que je vais craquer. Je veux qu'on m'écate, je veux qu'on me tripote, je veux de l'amour à en crever. Je veux de l'amour à en crever. Je veux de l'amour à en crever. une journée bien remplie. Ah oui. C'est incroyable. Ah bon, tu crois? Ben oui. Ben... Ah non, c'est bien quand c'est comme ça. Ben c'est parce que tu prépares le troisième album. Ouais, on... ouais, d'une certaine façon. Je sais pas encore, je sais pas encore... Ah! J'aime bien me dire pour l'interview. Ouais, mais c'est bien, mais c'est bien, parce que ça met un vrai truc en même temps, c'est pas mal. C'est le lien, et toujours le lien. Ouais, je suis contente parce que je suis pas dans un truc de calendrier, et donc ça me plaît, tu sais, d'être, d'avoir ce truc d'espace-temps où c'est moi qui gère, et okay. En même temps, là, j'essaye d'être en studio tous les jours pour avancer. Pour préparer des maquettes ou pour... Oui, d'une certaine façon, cette maquette, les chansons existent maintenant. Ah, tout est déjà prêt. Bah, je fignole, quoi. Je suis dans un truc où je sens qu'il y a des choses encore à, okay. à aboutir, à régler. Voilà, je suis dans cette étape-là. Et puis en même temps, quand ça vient, hop, nouvelle chanson. Mais tant que j'ai encore du temps, je fais pour okay. avoir. J'aime bien avoir le choix, tu sais. Mais on voit que tu es une fille énergique. Ah bon? Ben oui. T'es très parisienne, très. Ah bon? Ben oui. Ah bon, d'accord. Ben oui, même, il y a comme la vivacité. Mais tu es toute jeune pour deux albums, mais bientôt un... Je sais pas, ben, j'ai presque 30 ans, Eddie. Ben oui, puis c'est très jeune pour, ouais, pour trois albums. Moi, c'est bien, ça va. Le troisième, c'est quoi? C'est pour 2014? Ouais, je pense. Inch'Allah. As-tu déjà des choses de préparer? Là, tu vas en studio pour préparer des maquettes? En fait, là, je suis encore dans l'étape où je suis toute seule, où je fais avancer le plus loin possible les chansons. Non. Accordéon. Accordéon, bah, après, ça dépend. Ça peut être clavier, accordéon. Parfois, je fais juste je bidouille avec mon ordinateur. En fait, j'ai un orgue okay. MIDI. Oui. Et du coup, je peux faire des parties de... Ah, oui. Tu vois, un orgue, mais fait pour accordéoniste, avec okay. des boutons d'accordéon comme ça. Et du coup, si j'entends une guitare, je fais une partie de guitare. Et voilà. Après, l'étape d'après, en ce moment, je bosse avec mon guitariste pour faire avancer tout ça. Et puis voilà. Et normalement, à la rentrée, studio avec, avec de vrais gens. Ouais. Mais on va aller à l'origine. Tu es née dans l'Oise? Non, je suis née à Paris. Ah, t'es née à Paris? Ouais, je suis née à Paris, mais effectivement, j'ai déménagé... Ok, t'es une vraie parisienne. Ouais, je sais pas ce que c'est une vraie parisienne, mais... c'est quelqu'un qui est née à Paris et qui s'en à l'aise quand Mais j'ai pas toujours vécu à Paris, quoi. Ok. Toute ma scolarité, collège, lycée, j'étais dans l'Oise, effectivement. Ok. Ouais. Et... Au pays des Picards. Ok. Et tu t'es inspiré de quoi lors de ton enfance pour pouvoir devenir musicienne? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Il y a un truc dans la famille, la musique a toujours été très présente. Moi, mes parents, j'avais pas le choix, je sais pas à quel âge j'avais, mais on était à Paris encore, donc j'étais en primaire, et il fallait que j'apprenne à jouer d'un instrument. Pourquoi il fallait? Ça faisait partie, je pense que c'était le concept d'une bonne éducation pour mes parents, c'était... voilà, il fallait que je... Mon père, il est prof de linguistique. Oh! Donc, lecture... Alors là, t'as de la pression pour les parents. La musique, ouais. Est-ce que tu soumets à ton père avant? Non. Est-ce que... Non? OK. À la torture. Non, mais c'est comme la fille qui est... Hey, papa, est-ce que ce mec-là peut... Non. Ça okay. fait longtemps, ça, que je me suis affranchie de son avis de professeur. Professeur en linguistique. Non, moi, on partage plein de choses, ouais. Des lectures, des intérêts... Lorsque tu étais chez toi avec tes parents, tu écoutais quel genre de musique? Mais tes parents, Gainsbourg, Boris Vian... Ouais, bien sûr. Tout Barbara. Ce qui, oui, voilà. Tous les incontournables étaient à la maison. Mon père, il écoute beaucoup de jazz aussi. OK. Ça m'est pas trop parvenu. Je suis assez hermétique à ça. OK. Mais le classique, beaucoup aussi, moi, ma... Mais t'as une formation classique? Ouais, parce que j'ai fait 10 ans de violon. En fait, j'ai appris... Voilà. Moi, je voulais faire du piano, mais on n'avait pas la place à la maison. Donc, j'ai appris à faire du violon, à jouer du violon. J'étais pas très douée. Mais c'est dur, le violon. Il y a l'archet en même temps. C'est comme la guitare, mais beaucoup plus complexe avec l'archet. Oui, c'est ça. T'es le créateur. T'es à l'origine et de la justesse et de la qualité de son et de ton identité. Le vibrato, tout est... Ouais. C'est pas facile. Non, et puis en fait, moi, mon grand complexe, c'est que j'arrivais pas à... J'étais pas libre. J'arrivais pas à jouer sans partition. J'arrivais pas à composer. Donc, Pourquoi t'étais bloqué? Ouais, j'étais dépendante de ma partition. Il y avait un truc vraiment rigide dans la façon de rencontrer cet instrument que j'ai eu du mal à m'en défaire. Mais la seule femme dans la francophonie que je connais qui joue du violon et qui chante, c'est Catherine Lara. Ouais, je n'en connais pas d'autres non plus. Et qui a fait quand même des choses extraordinaires. C'est vrai. Alors, t'aurais pu comme quoi, c'est possible. Oui, oui, c'est très possible, mais on sent aussi que pour elle, c'est vraiment... Elle fait corps avec son instrument. Mais c'est ça, on n'est pas tous égaux. Non. Et là, après ça, tu t'es mis à jouer d'un autre instrument pour pouvoir... Pour pouvoir chanter, l'accordéon. En fait. Ouais. Mais le but, c'était de chanter. OK. Voilà. Donc, ça aurait mais pourquoi pu l'accordéon? Parce que c'était très français. Très... Non, en fait, c'est la sœur de mon père qui joue de l'accordéon. J'ai passé beaucoup de temps chez elle, chez ma tante. OK. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle restait près ou... Non, elle est à Marseille. Mon père, il vient de Marseille. OK. Donc, j'ai passé toutes mes vacances. Dès que je pouvais y aller, j'y allais. C'est une artiste. Elle est illustratrice, peintre. Maintenant, elle rénove des décors, des fresques magnifiques. Okay. Et elle est musicienne et autodidacte. Mais on va revenir même au début. Zaza Fournier, c'est pas ton prénom. Non. OK. Fournier, oui. Fournier, ouais. OK. Zaza, c'est un costume. C'est moi en mieux. Oh, c'est bien dit. OK. Voilà. OK. Et tu as aussi une formation en théâtre. Oui. Moi, je me destinais à être comédienne. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais t'as-tu mis un trait là-dessus? Pas du tout. OK. Non, mais après, il y a des choix qui s'imposent dans la vie. Il y a un moment, il faut prendre des grandes décisions comme ça, mais ça ne veut pas dire le choix est pas... Moi, je crois... On dit le choix est un renoncement, mais en fait, je crois pas. C'est juste... j'ai fait 8 ans de formation. J'étais au conservatoire, en fait, quand on m'a proposé de faire un disque. Et c'était un fantasme absolu. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire des maquettes et tout ça, à bosser avec des gens, avec Jack Lahana et Rob, avec qui j'ai fait les deux premiers albums. Et eux, qui sont dans la musique depuis plus longtemps que moi, m'ont dit « Bon, maintenant, il faut faire écouter des trucs. » Et effectivement, à un moment, c'est Warner qui m'a fait une proposition. Ouais. Qui a cru en toi. Voilà. Et moi, j'ai à ce moment-là, c'était tellement énorme, et c'était tellement une espèce de fantasme absolu que je ne pouvais pas renoncer à ça, je ne pouvais pas refuser ça. Donc j'ai quitté le conservatoire en dernière année, en cours d'année, pour faire ce disque. Et depuis, j'ai pas eu vraiment le temps de me poser la question. Alors tu es dans le feu roulant de ce qui se passe. Bah ouais, je fais ce que j'ai tu à faire. Tu suis le train maintenant. En marche ouais. Tu suis le train en marche. Enfin après, ça veut pas dire que je me remets pas en question. Parce que là, justement, récemment, je suis plus chez Warner, donc il y a eu une rupture oui, avec mon oui, label. Oui, oui, oui, oui. Il y a eu des changements comme ça un peu... Est-ce que ça a été volontaire de ta part ou c'est eux qui ont... Ouais, c'était compliqué parce que moi ça faisait 6 mois que je voulais partir. Ok. Et que... Ils me laissaient pas partir. Ok. Et au moment où ils m'ont dit « Ok, c'est parti, on fait le 3e album », en fait ils m'ont rendu mon contrat. Donc c'était un peu... C'est un peu le cliché de... Voilà, ça commence toujours très bien. Le premier album, ça s'est super bien passé. Le deuxième, j'étais un peu frustrée sur des trucs. Ah, parce que tu n'avais pas la mémé surtout. Non, c'est parce qui... que parce que j'avais du mal à les sentir investis. Il veut faire une maison, un endroit idéal, des fleurs toute l'année, une carte postale. Moi, je le suis, mon homme. Il veut de beaux enfants et un chien souriant qui nous dirait bonsoir même quand on rentre tard. Moi, je le suis, mon homme. Il veut de grandes pièces de lumière et de joie où il y fait bon vivre même quand on a très froid. Il veut vivre longtemps mais pas trop malheureux, chanter quand il fait beau, éviter les adieux. Il veut changer le monde mais on peut pas tout faire, alors il imagine ses idées en l'air. Moi, je le suis, mon homme. Il vit pas que d'amour, mais ça lui irait bien. Il est pas difficile, il est fou de mes seins. Moi, je le suis, mon homme. Il a de grands espoirs pour les matins prochains. Il est fou de la vie, il est fou et c'est bien. Il voudra que l'on s'aime si fort et sans détour. Il me dit je t'adore, il me dit pour toujours. Et quand la nuit tombe, je suis moins seul, je suis moins sombre. Et quand le jour vient, je suis moins triste. Ça va, ça vient. Je veux ranger ma vie comme on range sa chambre et puis tout dégommer. J'ai trop peur de me rendre là. Je le fuis, mon homme. Je veux casser des briques et casser ma maison, vivre sous les tropiques et sortir de mes gonds. Là, je le fuis, mon âme. Je veux chercher ma vie, celle que je n'aurai pas, celle qui est toujours mieux, celle qui n'est pas pour moi. Je veux raser les murs et partir en voiture, mais j'ai pas le permis, alors je reste au lit. Je veux être infidèle, qu'on me roule des pelles, être une femme ouverte, qu'on m'écrive des lettres. Là, je le fuis, mon âme. Vivre à 200 à l'heure, faner comme les fleurs, mourir de temps en temps et renaître au printemps. Là, je le fuis, mon âme. Je veux pas qu'on m'oublie, je veux pas qu'on me quitte, je veux pas qu'on me noie avec des autres fois. Je veux pas que tu m'oublies, je veux pas que tu me quittes, je veux pas que tu me noies avec des autres fois. Et quand la nuit tombe, je suis moins seule, je suis moins sombre. Et quand le jour vient, je suis moins triste. Ça va, ça vient, ça va. Ça va, ça va, ça va. Nous atterrirons dans le monde de Galaxion, où la reine Vipérine tient prisonnier dans les mines les enfants bleus de cristal pour en extraire les opales dont le contact du sang donne ce pouvoir inquiétant, cette jeunesse éternelle. Mais Tangerine, Tangerine, attention, droit devant, voici le château immense et ses tourelles de fer. Il nous faut trouver la faille, conduire avec précision. Devant nous, l'horrible ville se profile, se profile. Tangerine, elle se lance dans l'arène, juste en face de l'arène, et explose les grenades. Tremblent les terribles flammes, les montagnes du désert explosent en coups de tonnerre. Sous son rayon laser, la déesse Vipérine a des forces surhumaines. Mais la noble Tangerine, notre orange ballerine, l'examine, examine. You're not skillful enough, Tangerine. Je n'ai pas peur avec toi, je nous vois près du soleil, dans notre vaisseau fermé, affronter tous les dangers. Affronter tous les dangers. Affronter tous les dangers. You're not skillful enough. Pas de tabac, m'en reste tranquille, m'en paye mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand jouer des bongos. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette. M'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'en forcer en ciboire. Quand jouer des bongos. Pas d'alcool, pas de tabac. Je vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout de kit. M'a crampé en masse, m'a m'toyé une place. Quand je vois des bons gars, m'a gravi les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop m'estader. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand je vois des bons gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, à menzan, m'en en mette. M'en déboucher une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit c'est dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer, m'a flouber ma paye, m'a les vendre des bouteilles, m'a rouler mon journal, m'a coller l'orignal, m'a virer sur le tapot, cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front. Elle va dire oh, enfin un bon gars. Abrazo, abrazo. M'a ouais des bons gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille. M'a payé mes billes. M'en va prendre l'anglais. M'a la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood. Ils vont m'aimer en Hérode, excellent citoyen, pas parfait, mais pas loin. M'en manger du poisson, m'en va faire du ski de fond, m'en m'acheter des records de Michel Rivard, m'en faire semblant que c'est intéressant. Quand ouais, les bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. Quand ouais, les bons gars. Pas d'alcool, pas de tabac, m'en faire semblant. Michel Rivard est un chanteur sublime. Hein, pardon? Il dit, m'a allé voir le retard de mon enfant, si c'est possible. Oh, oui, parce que ça fait 3 semaines qu'il... Oh, oui, excusez-moi, je... Monsieur le juge, je peux me défendre, s'il vous plaît? Monsieur? Oui? Bon, je parlais. OK, oui. Oh oui, oui, non, mais je. Monsieur le juge. Mon honoré de base. Non, mon honoré. Monsieur. Je suis un incompétent intellectuel, vous savez bien. Bon, alors, mon sainte Bible, mon table, hein, mon ami. On n'a pas. Mais mon. Monsieur le juge. Bon, ben, je voulais pas parler de Michel Rivard. Je le connais, mais. Oui. OK. Comparaître le 22. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je l'aime. En fait, je l'aime. Je l'aime pas, mais. Ça... Bon, je suis pas en train de parler. Monsieur le juge, mon âme. Hé, hey, ah ouais, non, ouais. Hey, excuse-moi. Je suis emporté. Je serai là. Oui. Donnez-moi votre petite feuille. Pas de feuille. Donnez-moi votre bavette. Pas bavette. Non, non, monsieur, je ne suis pas en train de rire de vous. Ah, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Ah ouais, ouvre, Rita, ouvre-lui un petit coin, là. Non, on va pas au petit coin. Reste ici, toi, là. Hey, j'ai juste une superviseuse, une super fille comme toi, là. Bon, c'est la première fois que je te dis ça, hein? Elle est toute émue. Je sais pas, cette émission-là, ce soir, c'est peut-être la dernière. Oh, oui. Ben, c'est ça. Je le sais. Hein? Oui, oui. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Oui. OK. laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes. Oui, ben oui. As-tu senti la catapulte du mot, là? Je l'ai placé sur le ressort, bien serré, prêt à se faire lancer. Là, je la bouche et la langue des dentiers. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Oh, oui. Non, non, on continue. Je sais, ça ne dit pas. Continue, on continue. Nus. Nus n'est profite dans son pays. Non, c'est nul, comme moi. Nul, c'est découvert. Gratteux. Oui. Loterie. Imbécilité du genre humain. Argent dépensé à... au lieu de s'acheter un bon steak. Hey, en parlant de bon steak, monsieur, est-ce qu'on peut parler à un cuisinier? Oui, c'est moi. Oui, un grand cuisinier. Êtes-vous un grand cuisinier, vous? Oui, c'est moi. OK. Ouais. Bon, j'aimerais, vous savez, le corps de l'animal. Ouais. Bon, allô? Oui. Ouais. Bon, j'aimerais avoir la bavette. Ouais. Bon, la bavette, là, c'est le morceau de l'animal que je préfère, et je vais vous dire pourquoi, avec la petite sauce à l'échalote. Hein? Ouais. Pas de sauce à l'échalote, pas de bavette. Hein? Ouais. Ça, c'est comme Aurélie Hardy. Ouais. On peut pas s'en passer. Ouais. Avec les petites frites. Les bâtonnets frités. Ouais, excusez-moi, j'ai dit frites, mais c'est pas fait qu'on devait rire. Ouais, c'est ça. C'est un restaurant chic chez vous, hein? Alors, c'est bâtonnets frités? OK. Mettez-vous beaucoup de bâtonnets frités? Rajoutez-vous de la sauce rouge appelée ketchup? Est-ce qu'on appelle ça ketchup dans un restaurant chic? OK. Pouvez-vous me mettre du ketchup? C'est pas une marque, ce ketchup, hein? Oui? La marque ketchup? Oh, non, je suis en train de réfléchir. Je croyais pas que c'était... Êtes-vous certain, vous? OK. Alors, mais c'est pas grave, hein? Oui, c'est grave, OK. Mais votre ketchup... Il y a ketchup... Quatre shots. Allô, monsieur? Bavette, monsieur Bavette. OK. Oui, mais c'est ça, la bavette, là, en passant. Bon. Ça va avec la sauce à l'échalote, les bâtonnets frités. OK. Pouvez-vous mettre beaucoup de bâtonnets frités? Parce que c'est frité, mais très frité, hein? Moi, j'aime ça frité. Tu dois avoir très frité? Oui. Alors, vous allez faire frire davantage. C'est pour ça que c'est très frité. OK. Et un extra, c'est plus cher? Quoi, c'est 150-200$? C'est l'huile de magnolia? C'est pas comme le film, là. C'est, est-ce que c'est extrait du film? Oh, ça risque d'être bon. Magnolia, quelle œuvre extraordinaire. Il faut que je vous raconte. Ça. Quand tu dis ça, Montréal, là, on sent 2 heures déjà de terminer. Non, attendez. C'est joué par celui qui a joué dans. Oh, et c'est clair, cela! Non. Une formation en création littéraire et en études cinématographiques. En qui? En études cinématographiques. En études cinématographiques, effectivement. Ceux qui ont joué dans le film de Kubrick, Les yeux grands fermés, Nicole Kidman et Tom Cruise est dans le film Magnolia. Hein, Magnolia. C'était le retour de Tom Cruise. C'était son deuxième... Ben, c'est le film qui chevauchait, ben, qui chevauchait pas, mais qui suivait l'œuvre majeure de Kubrick, Les yeux grands fermés, avec Nicole Kidman, qui aussi fait exploser le couple. À propos du film Les yeux grands fermés, Eyes Wide Shut, que le couple a commencé à être dérouté. Jouer avec Kubrick, c'est signer son arrêt de mort pour plusieurs raisons. C'est un génie, je parle du réalisateur, qui a pris Nicholson, sachant très bien qu'il pouvait entrer dans son univers assez facilement. Shining, l'enfant lumière, exceptionnel. Ensuite de ça, il a joué dans un autre film de Kubrick. C'est quoi, House of Kubrick? Non, ça c'est Jethro Tull, OK. Mais enfin, bref, non, c'est en tout cas, disons, un film, là, OK? C'est dans Shining, L'Enfant Lumière. Je pense que c'est ça le film, hein? Après l'émission, je vais me dire, oh non, c'était celui-là. Puis, peu importe, Tom Hanks, non pas Tom Hanks, mais Tom Cruise. Retour de son aventure extraordinaire de 2 ans de réclusion dans le film de Kubrick, parce que quand tu fais un film de Kubrick, c'est comme un film de Maurice Pialat. Si tu entres dans une aventure extraordinaire qui risque de te déformer, qui risque de te faire grandir, qui risque de te faire apprendre quelque chose que tu ne savais pas en toi. On va te le montrer, on va te faire une recherche fondamentale sur ton toi profond, moi profond, moi, vous, nous, nombril. On va chercher le nombril à travers l'être et c'est eux qui élèvent comme les enfants on élève, on fait monter, élever c'est faire monter. La bouillabaisse aussi, vous voyez 250 au four. Il faut tourner. Vous rentrez dans le four parce qu'il faut tourner en même temps, hein? Si vous êtes trop cuit, c'est pas grave. La bouillabaisse doit être al dente, comme les pâtes. Croustillant. Je sais que c'est une sauce, mais c'est en tout cas assez pépaisse. Comme la personne qui est rentrée dans le four, il faut être pépais. Hein? Alors, Tom Cruise revient. Vous me suivez? Tom Cruise revient dans le film de Magnolia. Et qu'est-ce qu'on présente la première fois qu'on voit Tom Cruise? Est-ce que vous vous souvenez? 2001, Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick. Alors, le réalisateur fait un clin d'œil à l'œuvre de Kubrick, dire « Hey, moi, j'ai pris Tom Cruise, qui était dans Eyes Wide Shut, qui a montré son œuvre la plus fascinante, et on le replace dans Magnolia. » Et juste pour ça, une bonne main d'applaudissement. Bravo. Et j'avais, quand j'ai vu ça, là, les frissons, il avait fermé le chauffage, on devait faire moins 20, j'avais la gueule au nez. Mais je frissonnais même malgré tout. Là. À l'intérieur de moi, j'ai dit, on touche au génie. Et toute l'œuvre du réalisateur de Magnolia en est la résultante. C'est lui qui a fait aussi Memento. Êtes-vous dans le champ, madame? Memento? Magnolia, Memento? C'est peut-être pas les mêmes. Hein? En fait, c'est deux œuvres majeures quand même. Là, je suis un peu confus. Il faut dire qu'il est tard. J'ai mangé trois tartares, puis il est tard. Donc, je crois qu'il y avait la sermonelle. La sermonelle commence à travailler le cerveau-circuit, le circuit cervelé. Mais en fait, c'est des bons films. Je vous les conseille. Hein, si vous avez deux secondes, là, allez voir ces deux films-là. Mais ça prend plus que deux secondes. Non, mais pour aller les chercher, il faut les regarder. Mais là, après ça, ça devient une jouissance. Essayez, madame, monsieur, de jouir pendant 2 heures. Moi, c'est 15 secondes. J'ai essayé 15 secondes. Ah ben ouais, de gars. Puis avant que le corps redevienne à la normale. Ah, ça a duré 15 secondes, mais les 25 secondes après de retour à la normale, c'est quand même intéressant. Hein? Bon, OK. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Butkowski. Ouvre-lui. Est-ce qu'on peut passer à la chanson ou on y va directement? Ah ouais, de mon gars. Bon, on y va. OK. Peu importe. Non, mais on dit dans les « Arrête-moi ça » parce que ça me tente de le dire. Peu importe! Tu sais, il y a des conventions débiles. Mais là, débile, là, dans la profondeur de la débilité. Je sais pas qui a écrit ça, là. C'est Monsieur Radio. Oh, Monsieur Radio a écrit qu'on peut pas parler plus que 10 minutes. « Les récepteurs ne suivent plus. » À la radio, on a affaire à des gens intelligents. À la télévision, ça, c'est autre chose. À la télévision, c'est 2 minutes d'émission, 20 minutes de publicité. Là, ils s'en vont acheter tout ce qu'ils ont vu. Là. Ben, il faut s'acheter ces croustilles-là. Il paraît que c'est croustillant. Hey, t'es fort. Il faut boire sa boisson gazeuse-là. Puis il paraît que c'est hyper bon pour la santé. Ben oui, c'est ça. Bon, Butkowski, ouvrons-lui un petit coin d'abord. Laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil qu'on dit nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, je suis toujours en train de me demander, on passe à la chanson. Attendez, 50... Oh non, on y va. Alors, si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Aïe, touche pas juste des petits bouts, je veux tout toucher de ta vie, je veux tout toucher ta vie, je ne veux pas l'emprisonner, je veux tout pas juste des petits bouts, je veux tout à toucher ta vie, je sais que t'as été un missionnaire, que tu t'es couché jusqu'à la fin, missionnaire, dans les pays. Les pays sous. Excusez-moi, c'est pas deux bières, c'est sous-développé. Mais il n'y avait pas d'eau. Potable. Pourquoi mon émission n'est pas potable. L'autre n'est pas potable non plus. Là, les missionnaires sont arrivés, là. Ils se sont dit, Jésus m'a envoyé parmi vous. Là, les résidents ont dit, ben oui, mais si Jésus t'a envoyé, amène donc l'eau. Attendez, moi, l'appeler. Jésus, attendez, la ligne. Non, c'est, excusez-moi, c'est les yeux. C'est pas Jésus, c'est les yeux. OK, on va parler à... Non, on y va. Bon, je suis missionnaire Gabin. Gabin, c'est pas arrivé. Allô, Dieu? Ouais, est-ce que... Excuse-moi, mon Dieu, c'est parce que... Là, je suis rendu, là. Ouais, est-ce que... Ben, c'est ça, là. Il y a 350 000 personnes autour de moi, là. Ouais, ben, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Dieu, je suis avec Dieu. L'entendez-vous? Il n'entend rien. Bon, c'est mieux de même. C'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas, là. Ou en dehors de ma tête, mais si c'est extra-diégétique, comprenez-vous? Diégétique, diérèse, histoire racontée, extra, en dehors de l'histoire racontée. Excuse-moi, Dieu, là. Ben, je leur explique que s'ils ne m'entendent pas, c'est normal, peut-être, là. Excuse-moi, là. Je te dérange-tu, toi, là? Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Hey, wow! Là, tu m'envoies ici, là. Ils n'ont pas d'eau, je sais pas, là. Je cherche le tuyau. Ils ont peut-être fermé Comment tu appelles ça? La ritournelle. Ils ont fermé la ritournelle. Ça a pogné, le pas. Est-ce que ça a pogné? Connais-tu ça, toi, Dieu, l'eau, toi? L'eau, t'appelles. L'eau bénite, vous connaissez? Bon, mais c'est ça, comment je fais pour amener le circuit? Amener l'humidité? Là, j'ai chaud, c'est moi qui va. OK, c'est moi qui dois ruisseler tellement que je dois créer le ruisseau à travers ma chaleur intense que tu me fais. Ah, c'est ça, tu me parles à travers moi. Ah, merci, c'est un message, c'est un beau message. Excusez-moi, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mes enfants. J'ai eu le message de l'eau de Dieu. Il m'a dit que je suis le fleuve. Fait que là, si vous voulez me raconter des histoires tristes, je vais pleurer. Faites un petit tas. Un petit tas, là. Faites un trou, puis je vais pleurer là-dedans. Ça va commencer le fleuve. Puis peut-être que le reste va me suivre, là. Je vais me vider, OK? Mais vider de larmes, là. Je sais pas. Non, ça risque d'être bon, là. Potable. Ça risque d'être potable. Non, c'est pas comme l'émission. Ça, c'est pas potable, là. Mais restez là, OK? Alors, racontez-moi votre histoire de vie, là. Comment ça se passe chez vous, là? Quelle émission vous écoutez? Hey, vous savez, les médecins, là, Grim Theater, non? Comment ça s'appelle, non? Non, ça, c'est un groupe de musique. Ah, oh, Great Academy! Elle va-tu mourir, vous pensez? Voyons, on va regarder Great Academy, la série télévisée aux États-Unis. Vous n'écoutez pas de série États-Unis? Bon, vous êtes encore à Dallas, peut-être. Dallas! La petite maison dans la prairie, ça ressemble à ici, hein, la petite maison, c'est ça. Bon, mais Lorraine Galls, là, à la fin. Vous n'avez pas de TV? Vous n'avez pas de branche. Ben, hein, c'est vrai, on n'a pas d'électricité. Des voyons d'autres, oui. OK, ça commence. Faites le trou. Il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, bien, viens, oui. Je force, là, mais ça coule pas trop. Voyons. Ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le juge? Le titre de la nouvelle, c'est Pochette ou... Non, c'est Pochette ou Poète. Il a des yeux de grands yeux noirs, des yeux de femme. Qui raconta tout seul déjà tout le drame de ses soirs où les boîtes ferment, qu'il est 5 heures, qu'il faut traîner jusque chez soi son pauvre cœur. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop bu et trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle. Se t'a fait appeler mademoiselle. Elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Et quand elle rit un peu trop fort, un peu trop fort, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir son petit commerce, son petit machin sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle pour de vraies fesses, de vrais seins, de vraies femelles. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, ça fait appeler mademoiselle. Sa jeunesse de famille a claqué dans les doigts. Il regarde ce corps qu'il ne reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il soit fraîche comme les roses. Au moins il échappera à la ménopause. Il a rêvé sa vie en film et en chanson, un brouhaha d'amant aimant plein de passion. Il y chantait des airs romantiques et charmants, et les femmes étaient jalouses de son talent. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Mademoiselle. Moi, sur le deuxième album, quelle chanson que tu valides encore aujourd'hui? Si je valide encore toutes les chansons? Ouais, est-ce qu'il y a des chansons que tu valides pas parce que t'avais Oui, toujours. C'est-à-dire que y en a qui restent. Il y a des chansons, Vodka Fraise par exemple, c'est une chanson que je suis très heureuse d'avoir. Avec le son En revanche, si j'avais des choses à refaire aujourd'hui, sûrement que je les ferais différemment. Et tu les refais sur scène autrement? Ouais. Ok, tu leur redonnes vie. Toujours. Mais en changeant de maison de disque, est-ce que les droits d'auteur te reviennent entièrement? Non, c'est Warner encore. Ok, alors lorsque tu les chantes sur scène, il y en a qui s'empochent directement dans ta bouche et d'autres? Non, quand je vends des disques. Ok. Voilà. Ok, uniquement pour ça. À droit d'auteur, c'est pas eux, c'est mon éditeur. En revanche, voilà, sur les royalties, c'est toujours eux. Ok. Ouais. Pour les deux premiers albums. Voilà. Le troisième, ce sera autre chose. Ouais. Ok, ouais. Et tu te sens beaucoup plus libre. C'est pour ça qu'on sent peut-être la fille qui renaît. La liberté, c'est relatif, quoi. La liberté, c'est faire... Parce que moi, chez eux, je me sentais assez libre, mais en fait, je me suis rendu compte que je me sentais libre parce que je pouvais faire exactement ce que je voulais, comme je le voulais. Mais finalement, à aucun moment, ils m'ont accompagné. Ils ont essayé de faire évoluer le projet avec leur talent à eux, essayer de, je sais pas, de m'aiguiller vers des gens avec qui ça pourrait avancer encore plus. Et tu vois, ils m'ont vraiment tout laissé faire. Et est-ce que c'est ça la liberté au fond? Moi, je... Parce que toi, tu étais novice, donc tu voulais être dirigé un peu, là. Ouais, moi j'étais hyper téméraire, en mode, de toute façon, je sais comment je vais faire les choses et tout ça. Et j'étais pas convaincue par les gens avec qui j'ai pu travailler, sauf quelques personnes. Il y a quelques personnes qui m'ont... Et qui reviendront dans le troisième album? Bah, je sais pas, parce que non, c'est des gens, tu sais, les labels, c'est des gens de labels, là, je te parle des gens de labels. Ok, des gens de labels, ok, oui. Donc il y a des directeurs artistiques qui sont vraiment des blagues ondulantes, et puis il y a des gens avec qui tu sens qu'ils peuvent vraiment, voilà. Et qui ont vraiment un sens artistique. Voilà. Moi, mon premier DA sur le premier album, il était vraiment super, maintenant il est chez Universal, donc ça bouge tout le temps, ce genre de trucs. Donc moi, en fait, je pense qu'un label, ça peut être aussi quelqu'un qui te fait... qui est facteur de rencontre en fait, qui peut être le lien avec d'autres gens. Et du coup, c'est hyper important ça. Donc j'espère encore pouvoir rencontrer quelqu'un qui m'amène à d'autres. Après oui, de toute façon j'ai toujours décidé de tout sur mon projet, donc s'il faut que je continue à le faire, je le ferai. Mais tu as aussi une petite équipe avec toi là, tes potes, bien t'es sûr, pas seul. Une bonne équipe, une bonne équipe. Solide, oui. J'ai un super tourneur. Est-ce que cette équipe-là était là à l'origine ou si... Ouais. Ok. Alors, départ. Elle te suit depuis les débuts, ouais. Du premier album. Mon manager, c'est marrant, c'est une nana que j'ai rencontrée, c'est une des premières à qui j'ai fait écouter mes maquettes. C'est celle à qui je parle constamment, là. Ouais. Ok. Voilà. Elle est efficace, en tout cas. Elle est super. C'est elle que j'ai rencontrée en premier pour lui faire écouter mes maquettes. Et on s'est toujours dit, non, mais nous, on va pas bosser ensemble. C'est juste, tu me donnes des conseils, tu me dis à qui je peux aller faire écouter, tout ça. Et elle me disait, non, mais de toute façon, moi, je veux signer personne. J'ai déjà trop de gens dont je m'occupais de ça. Elle a et plusieurs en fait, artistes. Ouais. Ok. Ouais, par exemple, elle bosse avec Youssou N'Dour. Oh, ok. Qui est quelqu'un de... Voilà, ouais. Qui a une carrière depuis le début. Elle est avec lui. Après, elle est plus tournée vers le hip-hop. Elle bosse avec des gens... Un ancien du 113, Mokobé. Oui. Tu vois. Oh, donc ouais. Moi, je suis un peu... Rien à voir dans mais dans t'es peut-être l'air frais de mais sa... ouais, c'est autre chose. Ben, c'est une autre relation. Ben, oui, puis en plus, c'est très... C'est très éclairant, c'est très ensoleillé ta musique. Ah bah merci. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas sombre et lugubre. Ouais. Et puis peut-être que l'accordéon amène ça, le côté Charles Trenet, le côté... Ah mais c'est marrant, c'est super que tu dis ça, parce qu'il y a tellement de gens qui associent l'accordéon à un truc nostalgique. Ah non. Larmoyant. Même assez festif. Ça peut, bien sûr. L'accordéon cajun en Nouvelle-Orléans, ben c'est oui. Génial. Louisiane, ouais. Même au Brésil, c'est une place très forte, l'accordéon. Et est-ce que tu utilises tes cours en art dramatique sur scène? Est-ce que tu fais... Est-ce que tu laisses l'actrice... T'as jamais vu de concert? Non, malheureusement. Ben, j'ai vu... Oh, oui, je l'ai vu sur Internet. Mais j'ai jamais été en direct. Ouais. Ben, moi, je pense que ma formation... Parce que je n'ai pas de formation de ni vocal, non. Mon accordéon, je suis autodidacte. C'est pour ça d'ailleurs je dis jamais que je suis accordéoniste, parce que je bidouille, je m'accompagne, quoi. En revanche, ma formation, oui, c'est celle que j'ai. C'est ma formation en tant que comédienne, c'est finalement ma formation tout court. Mm-hmm. Mon rapport à l'espace, au public, ça c'est vraiment ce que j'ai appris sur le plateau avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Auvrenoroy, qui est. Je remercie, okay. Je bénis les dieux de m'avoir mis cet homme sur mon chemin. Oui. Parce qu'il m'a apporté beaucoup, il continue de m'apporter beaucoup d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je pense que le lien est constant et qu'au fond, on met en mouvement exactement la même chose. Quand on dit racine ou quand on chante, cette histoire de quatrième mur, de comment on s'adresse à l'autre, de comment on gère l'espace, de comment on fait quand on est seul sur un plateau. Pour pas se faire engloutir, comment chaque geste compte, comment être ici et maintenant à ce qu'on dit absolument, voilà. Moi, je crois beaucoup à... Es-tu consciente de ce que tu représentes sur la ligne de la musique francophone? Non. Ah non? Ok, parce que tu es très bien vu au Québec, on t'écoute, il y a des radios libres, CKRL qui diffusent, il y a aussi CKIA qui est à Québec, qui te fait jouer régulièrement. Génial! Non, mais est-ce que tu savais que tu as quand même une notoriété? Moi, je pense que ça vient. Okay. Et j'ai l'impression que c'est quand même très lié à ce que les médias veulent bien... Quand même Internet, de moi. Tu sais, le lien cybernétique est quelque chose d'assez fort. Ça, c'est sûr. Et ça, je m'en rends pas bien compte. C'est vrai, t'as raison. Et même, je sens bien que depuis que je m'investis un peu plus sur ma page Facebook, que je parle aux gens, tout ça, il y a un truc, une espèce d'émulation qui fait que la relation se tient comme ça, se continue, même s'il n'y a pas d'actualité tout de suite maintenant, un nouvel album, tout ça. Après, je sens bien que quand on passe un peu plus à la télé, parce que l'album sort, qu'on est un peu plus dans les magazines, tout ça, là, je sens qu'il y a un truc où je peux me sentir un tout petit peu plus... voilà, mais... Il y a tellement de gens qui font ce métier, il y a tellement le pouvoir de l'image. C'est vrai. Les gens ça peut s'arrêter abreuver. Très rapidement. Voilà, ouais. Moi je trouve vraiment que ça c'est très très inégal, quoi, tu vois. Ça dépend des jours. Je sens que j'ai fédéré des gens, c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir maintenant en concert savent pourquoi ils viennent, et que c'est mes chansons qu'ils viennent écouter, tout ça. Et surtout voir la prestance. Là. Maintenant, voilà, je sens qu'on est une petite bande et que c'est super, qu'il y a un vrai truc qui se passe, mais après, on autorise les gens, ça arrive, je sais pas. Et pour tes deux premiers albums, comme toi tu écris les paroles et tu écris la musique, souvent la musique. Est-ce que tu te fais aider ou quelquefois tu dis non, je vais résister, je vais garder mon son, je vais garder mon écriture pour pouvoir apposer uniquement le nom de Zaza Fournier? Ah. Bah, l'écriture, j'y tiens parce que je me sens... Ok, c'est très personnel, donc tu ne peux pas... Ouais, l'écriture, c'est une chose... Personnelle, singulière. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Les crocs, ça fait bobo. Baby, on pleure, on crie. Tourment pour les enfants, calvaire pour père et mère, cauchemar pour les vieillards. Les crocs, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Fauvette ou alouette. Heureux, les pondeurs d'eux. Corbac ou Donaldac. Enfer, les mammifères. Bistec ou gâteau sec. Les crocs, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Martyr pour les vampires. Torture pour les gros durs. Horreur pour les boxeurs. Goddam, badinamnam. Un bec, on veut un bec. She's an ocean, I'm just a puddle. Never want to cause her any trouble. Do it now, causing me double. I can feel my head exposing now. I can feel my head exploding now. Oh, we went out dancing in the suburbs. In the gutter looking at the curb. Then my girl was skinning, sent my head spinning. I can feel my head exposing now. I can feel my head exploding now. Kill something you believe in. You can hear its cries. You've got your antenna. Though you think you're no longer receiving. I can feel my head exposing now. An uncovered head exploding now. c'est mon identité. Donc après, j'ai encore jamais trop laissé quelqu'un mettre son nez là-dedans. Et ça m'intéresse pas non plus de chanter les textes de quelqu'un d'autre pour l'instant, parce que j'ai encore des milliards de choses à dire. Et que finalement, c'est la chose qui m'anime depuis toujours, depuis que je sais écrire. C'est ça, j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit. Écrivais-tu des poèmes lorsque tu étais... Ouais, des chansons, okay. Des poèmes, des petites nouvelles, des histoires. L'écriture, c'est vraiment une chose... Qui fait partie de toi. Ouais. Donc, qui c'est m'est pas absolument une nécessaire. C'est toi, c'est pas une souffrance. Bah, ça peut l'être, okay. Parce que maintenant, j'ai plus de recul, donc je suis plus sévère avec moi-même. Et tu sais aussi que tu es rendu quand même là, tu as un troisième album, donc tu sais que ce que tu vas écrire va avoir quand même... écho. Bah, ça a trouvé une résonance, ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça continuera. Mm-hmm. Alors c'est pas, tu n'écris pas juste pour toi aujourd'hui, donc tu fais plus attention lorsque tu places chaque mot. Enfin, évite, t'as raison, on peut pas oublier le regard des autres, parce qu'évidemment ça se destine finalement à un public, bien sûr. Mais le public va se voir à travers toi aussi. Oui, mais la grande difficulté, et en même temps, je pense, l'absolue nécessité, c'est d'oublier ce regard-là et de pas écrire en conscience des autres, parce que... Sinon, tu bloques. C'est compliqué. Parce qu'on peut... Évidemment, je fais pas ça pour chanter mes chansons à ma grand-mère le samedi soir, mais je pense que c'est très important de continuer à être dans une chose qui m'appartient d'abord absolument pour qu'elle puisse trouver écho chez les autres. Parce que souvent, quand on essaie de trouver un chant qui soit universel, on se trompe un peu. Juste parce que il me semble que plus c'est personnel et plus c'est absolument vécu et... En tout cas, vécu, je veux dire, pas forcément biographique, mais dans l'émotion que ça véhicule chez moi au moment où je l'écris, plus ça a de chance de trouver l'émotion de l'autre. Mais oui. Je crois. Après, pour ce qui est de la musique, moi je pense qu'il y a des compositeurs bien meilleurs que moi. Et je. Quand je travaille avec, par exemple, Rob qui a arrangé les deux premiers albums, c'est arrivé qu'il me dise, ah mais tiens, regarde là, si on met cet accord, ça peut ouvrir un an. Et là, évidemment, okay. Si c'est évident que c'est mieux. Et si ça convient aussi à toi, parce que c'est toi qui chante quand même. Bien sûr, oui, non mais voilà, si pour moi c'est tout à coup ça fait sens, bien sûr que je laisse la place, ça se discute pas. Quoi. Mais lorsqu'on te propose des mélodies, est-ce que tu t'agrippes immédiatement ton accordéon? Parce que tu peux te dire, je peux faire des spectacles seul avec l'accordéon, donc il faut que ça sonne accordéon. Ouais, non, peut-être je devrais. Ok. Mais non, sur le moment, je suis vraiment... faire une chanson, c'est comme un objet. C'est tellement... Il faut décider... À un moment, on doit décider que c'est absolument fini, abouti. Ça doit... durer le plus longtemps dans le temps, et souvent trois mois après j'ai envie de retoucher le truc, et donc non, l'intérêt c'est que ce soit, que ça existe de la plus jolie façon sur un disque pour qu'on puisse l'écouter 500 fois. Après, que ça trouve sens sur scène, ça trouvera forcément... tu vois, même s'il faut changer les accords après sur scène, on s'en fout, moi je fais ce que je veux, c'est mes chansons, donc non, il y a des trucs que j'ai composés au clavier, et que finalement après je trouve une façon de le faire sur scène, mais je trouve après, je me pose pas la question au moment où je le fais. Est-ce que souvent ces chansons là ont vécu sur scène avant de se retrouver sur ça les peut. Disques? Ouais, ça peut. Okay. Mais souvent c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça les dépend. Deux, ouais. Ça dépend. Là je commence à chanter de nouvelles chansons, parce que c'est toujours bizarre, parce que j'ai fait plein de concerts à l'étranger. Et tu vérifies auprès du public, donc il y a des chansons que tu vas prendre et que tu vas placer dans une filière, ou tu vas placer dans la corbeille, parce que tu vois qu'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de... Non, mais j'y crois pas trop à ça, parce que les gens aiment retrouver des choses qu'ils connaissent sur scène. Oui. Et tout à coup, s'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas, l'écoute est très différente. Mais ça ne veut pas dire que ça prend pas, c'est juste que ça se déplace, parce que ça cogite. Voilà. L'entendre, le comprendre, ouais. L'intégrer. Il faudrait presque la chanter tout de suite une deuxième fois. Oui. En rappel peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Pour quand même endoctriner ton public avec tes nouvelles chansons. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées, ou les idées qui amènent les mots dans ton écriture? Déjà là, tu sais ce que tu vas dire, ou tu prends le premier mot et on tisse? Les deux sont possibles. OK. Ouais. Là-dessus, mais souvent, c'est des idées que tu veux exploiter. Bah, je peux me dire à un moment, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Mais non, je crois que plus souvent, c'est tout à coup un mot qui me parvient, ou parce que j'ai vu quelque chose dans la rue, ou je sais pas, je vois des fleurs au balcon, je pense au nom. Enfin, je... Qu'est-ce qui Et puis ça amène une chose, mais ça va toujours avec une note. J'écris pas pour ensuite trouver la mélodie, quoi. Ça va toujours ensemble. Qu'est-ce que tu veux raconter? En général? Ouais. Bah, le monde. J'essaie de donner ma version du monde, ma vision du monde, mon point de vue sur ce qui se passe autour de nous. Mais tes après... histoires vécues, tes histoires amoureuses, tes histoires... Pas que. Okay. J'ai fait le premier album beaucoup. Oui. Mais après, je me rends compte, maintenant, il y a des chansons que j'ai écrites sur le premier. J'avais 19 ans, Baiser danseur, j'avais 19 ans quand je l'ai écrite. J'avais 19 ans, il y a 20 ans, il n'y a que ça qui m'intéressait. Mm-hmm. Maintenant, ça a un tout petit peu bougé. Déjà, le deuxième album, c'était un tout petit peu plus... Je racontais... d'autres choses, quoi. Et puis là, de plus en plus, je sens que... En fait, c'est vrai qu'après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est, même avec ce qu'il y a de plus terrifiant ou de plus triste ou de plus laid, c'est toujours... L'ambition, c'est de faire du beau, quoi. Donc c'est vrai que j'ai plutôt envie de montrer ce qui me bouleverse, ce qui m'émeut, ce qui me terrifie, oui, touche de toute façon, mais toujours essayer de... Quand je dis que j'essaie de donner mon point de vue sur le monde, c'est pas un travail de journaliste, évidemment, quoi. C'est toujours essayer de faire du beau, mais là, voilà, j'essaie... Finalement, notre mission, quand même, il me semble, aux artistes, c'est, voilà, quand même de témoigner de l'état du monde, d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut passer par une chose très égocentrique, et puis effectivement sur une histoire qui m'arrive, une rencontre, un machin, mais j'aimerais bien réussir à ouvrir maintenant un peu le champ de vision. Mais lorsque tu le présentes, lorsque tu l'écris, tu peux autant amener ça d'une manière tragique, mais aussi tu peux aussi amener de l'espoir. Tu peux, bien sûr, on peut dire des choses très graves, mais avec beaucoup de joie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors toi, tu as le côté ensoleillé de l'écriture, on sent le printemps chez toi. le troisième, ça sera sans doute comme les deux premiers, c'est-à-dire c'est un ensoleillement, c'est le matin qui se lève, c'est plein d'avenir positif, même si tu racontes des trucs quand même assez lourds, assez... Donc c'est la digestion que tu en fais de la réalité qui peut aider les gens à vivre. Oh, dis donc. Mais écoute, si c'est vraiment ça, c'est... Mais est-ce que tu... C'est déjà... C'est Paris gagné. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est génial. C'est finalement c'est... le seul rôle qu'on puisse avoir. C'est exactement ce que tu viens de dire, à mon sens. Avec mes grosses couilles, je fais mon jogging. Avec mes grosses couilles, en écoutant Billie Jean. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, Casino, avec mes grosses couilles, j'achète mon Kinder Bueno. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, avec mes grosses couilles et des ouvriers du goût. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, elle vit. leave you paralyzed. This demon's got you, she destroys you, mind by mind. Like a train on a one-way track, keep on going, never coming back. Oh no, no, no, no, no, wait until tomorrow. The night is banished by the devil. He lies in empty promises, I'm never gonna make it right. Run for your life. Lorsque tu prépares une chanson, vois-tu cette avenue-là ou tu te libères de tout ça pour... Oh non, t'imagines la pression, okay. Hein, t'imagines okay. La responsabilité. Okay. Non, non, non, non. Moi, je fais les choses parce qu'elles me sont nécessaires. À un moment, j'ai lu, je ne sais plus qui a dit ça, je ne fais pas la musique que je veux écouter, je fais la musique que je dois faire. Okay. Je trouve ça super juste. On est toujours... c'est une copine qui s'appelle Robbie, je crois, qui a dit ça. J'ai lu ça dans une interview il n'y a pas longtemps. On est toujours un peu empêché ou porté d'ailleurs par le fantasme de celui qu'on voudrait être, de l'artiste qu'on voudrait être, de la musique qu'on voudrait faire. Et finalement, tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Mais c'est ça qu'on doit faire parce que c'est alors notre c'est singularité. Créneau, c'est un créneau. Mais sans parler de créneau, c'est de toute façon, on est... Enfin, je t'apprends rien, on est tous uniques, on est tous singuliers. Donc le seul intérêt... Ah ouais. Parce que moi, je fais ce que je sais. La musique, c'est si je fais absolument juste ce que je dois faire, ce que je sais faire, ce que je peux faire. Donc après, je pense pas à... Je pense pas à ce que ça. De toute façon, je n'ai encore une fois, je n'ai pas du tout conscience de ce que ça peut faire chez les autres. Je suis toujours très étonnée moi quand on me dit à telle chanson, oh là là, ça me fait ça. Je suis toujours très très très étonnée. Mais en même temps, lorsque tu lances une chanson, elle n'est plus à toi, elle non. ne t'appartient plus. Je le dis. Donc, vraiment, ouais. C'est le public qui va en faire ce qui ou qui va s'en enrichir aussi. Mmh. Et souvent, sans le savoir, tu vas raconter la vie de cet individu-là à ce moment-là. Et c'était toi qui à l'origine, l'avais vécu. Donc, c'est comme le cycle. Hein? Ça arrive. Les premières fois, les filles venaient me voir, des nanas, elles me disaient « Mais baiser d'un soir, c'est exactement ça. » Ou « SOS ». C'est super joli parce que, pour le coup, « Baiser d'un soir », c'est une chanson très, très personnelle. Ouais. Et du coup, c'était hyper bizarre pour moi que des nanas viennent me voir, mais c'est ma vie. Et bah non, c'est la mienne. C'est moi. Tu racontes. Et je trouve ça, c'est magique. Franchement, ça tient du miracle, quoi, pour moi. Parce que c'est une façon de. Moi, ça peut être compliqué pour moi de rencontrer l'autre. Je trouve que c'est difficile de vraiment, vraiment rencontrer l'autre, de trouver le mot exact pour dire ce que tu ressens absolument. C'est pour ça que les interviews, je trouve ça toujours frustrant parce que tu repars toujours avec la sensation de ne pas avoir. Bien dit la chose. Ouais. Donc maintenant, bon, je me libère ça, tant pis. Ça sort. Puis demain, ce sera autre chose. Là. Ouais. Mais ça a à voir quand même avec. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis des choses les plus banales, que tu parles de ce que tu as mangé hier et ça, tu essayes juste d'être à un moment avec quelqu'un et. D'échanger. Oui, mais c'est pas. Ça marche pas si fréquemment, je trouve. C'est quand même miraculeux, une vraie rencontre, un truc vraiment où tu dis oh, « cette personne-là, c'est fou, on a des tas de choses à se dire, vraiment, il faut qu'on se revoie. » On a connecté, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Pour moi, quand quelqu'un vient me voir après un concert en disant « mais cette chanson-là », j'ai l'impression, on se dira pas grand-chose, on se verra plus, ou peut-être… Au prochain spectacle, voilà. Ouais. Mais c'est une façon d'avoir fait le lien, quoi, et d'avoir été avec l'autre, et d'avoir rencontré l'autre, et c'est tout ce qui… Importe. Dans la vie, ouais. Sur… Puis en même temps, lorsque tu fais un spectacle, si tu en touches une personne, c'est déjà beaucoup. Ouais, bien sûr. C'est pas vraiment de rassembler tout le monde. C'est d'en prendre un sans le savoir et de te l'apporter, de te l'amener. Mais à chaque fois que je monte sur scène, moi, je repense aux fois où je jouais sur le Barbie de Beaubourg. Et je me disais, quand il y avait trois personnes, ça existait déjà. Trois personnes qui s'arrêtent et qui écoutent vraiment ce que je dis, ça existe, quoi. Ah, tu fais ça longtemps? Bah, j'ai fait ça... dans la rue, j'ai fait ça un printemps, un été. Après, l'hiver est arrivé. Non, un été-automne. L'hiver est arrivé. Et là, j'ai commencé à jouer dans des bars et tout ça, parce qu'il faisait trop froid. Quoi. C'est une école. Ah bah oui, ça rejoint ma formation. Elle commence dans la rue aussi. C'est un peu comme chanter dans un bar. C'est une école, parce que les gens sont pas là pour t'écouter souvent. Ils sont là pour boire, puis peut-être à la dernière, plus tard dans la soirée, ça peut dégénérer. Donc c'est ça a souvent dégénéré. Ouais. Oui, oui, mais c'est une très bonne école. Bien sûr, ouais. Bah moi, ça m'a donc, appris ça construit, à être dans l'instant. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement d'accidents dans ces cas-là. Et c'est de réagir. Ouais, voilà, de faire en sorte que ça, ça existe encore plus fort, quoi, que ça plombe pas, que ça t'empêche pas d'exister, ça fait que t'existes encore plus, quoi. Et de prendre ça pour te monter, peut-être, de prendre un événement. Servir ce que t'es en train de faire. Oh, oui. Et le troisième album, c'est ce que tu prépares actuellement. Là, tu t'en vas dans quelques minutes pour pianoter, pas pianoter, mais en tout cas jouer de l'accordéon. Et... Mm-hmm. Ben oui, on pianote sur l'accordéon, ouais, c'est vrai. Bien oui, sûr. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est en fait, est-ce que c'est un processus du premier au deuxième et du deuxième au troisième, ou si tu veux vraiment te relancer puisque là, tu as changé de maison de disque? Je sais, moi je suis pas très consciente. Je comprends les choses une fois que je les ai faites. C'est un peu mon problème. Je suis très. Une fois que c'est terminé, là, c'est en boîte, le disque est là, voilà. Là, ok. Tu dis, ah ouais. Je me dis en fait c'est ça que tu voulais dire. Ok. Ok. Je suis très très lente. En revanche, je vois bien que sur le premier j'avais tout à dire, donc c'était facile entre guillemets dans le sens où un premier album, ça ne peut qu'être réussi puisque ça fait je sais pas combien de temps que tu es voilà, tu as cette ambition de dire ça, que t'as finalement, moi j'avais écrit plein de chansons et je les avais tellement chantées dans la rue, dans les bars, tout ça, que je voyais bien ce que j'avais envie de garder, tout ça. Donc le premier, il y avait beaucoup de matériel aussi. Comment? J'avais beaucoup de matériel à proposer. J'avais plein de choses et ça s'était écrémé tout seul puisque voilà, j'avais chanté avant ça pendant un an et demi même. Oui. Bref, le deuxième, c'était vachement plus chronométré parce que voilà, on finit la tournée, j'ai fait énormément de concerts sur la première tournée. Avais-tu essayé des chansons du deuxième album lors de ta tournée? Ouais. Ok. Ouais. Progressivement. À la fin. Ok. Ouais, je vais commencer à la fin un peu. Et donc là, c'est beaucoup plus... Il y a... Le temps, il a une réalité complètement différente, quoi. C'était compliqué, d'ailleurs, je trouve, moi, de dire, voilà, t'as tant de temps pour faire t'écrire des chansons, t'as tant de temps pour les enregistrer. Après, tu pars en promo défendre le disque, et après, tu repars en tournée. C'était un peu... Bon, en même temps, comme j'avais fait beaucoup de concerts toute seule, je savais que j'avais envie, là, de travailler avec plein de gens, plein de vrais musiciens, et tout ça. Tu voulais que ça sonne fort, là, que ça sonne. Ouais, que ce soit moi toute seule à bidouiller, tout ça. J'avais envie d'être dans la rencontre, quoi. Et puis d'être dans un truc organique, du son. Et donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mais tu sais, le deuxième album, de toute façon, on me l'a dit mille fois, mais enfin, de le vivre, c'est quand même un peu différent. C'est toujours pareil. Soit tu te répètes et on te dit, oh là, elle fait la même chose. Soit tu fais un truc différent en forme, c'était mieux avant. Donc, un truc comme ça qui était un peu chiant, parce qu'il fallait toujours que je justifie mes nouveaux choix et tout ça. Donc c'est vrai que quand tu fais un disque, t'es hyper libre, quoi. Tu bénéficies de la nouveauté, personne ne te connaît, tu fais ce que tu veux. Bon, on t'attend au tournant avec le deuxième. On t'attend. Oui, mais quoi qu'il se passe, d'une certaine façon, je trouve qu'il y a un truc un peu... Un peu étrange, ouais. Ouais. Bon, bref. Mais non. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok. Mais t'es fière du deuxième album. Moi, je suis très contente de ce disque. Okay. Je suis très contente. Après, il y a toujours des choses que j'aurais fait différemment aujourd'hui, mais sur le premier aussi. Donc, mais tu peux le refaire autrement sur scène, comme je l'ai dit. Exactement, c'est ce que je fais. Là. Vous pouvez écrire à votre animateur, Rénal Gagné, via le courriel au renaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Rénal Gagné ou Errance Rénaldienne. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis. Comme ça, c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ça va ce travail? Ça va. T'es un peu fatigué ou quoi? Ouais. Je suis un grand fan, hein. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi? Un peu, ouais. Ouais, t'es déglingué là. T'inquiète, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de... Ouais. Ouais, ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va? Allez, courage. Hein.